Bien qu'elle fût seule, Anna marche exactement comme si un homme la regardait marcher. On aurait pu croire à la surprendre qu'elle s'exerçait une sorte de provocation, sans comprendre qu'il ne s'agissait que du rayonnement inconscient d'un état intérieur. Anna sentait la jeunesse de sa peau, la minceur de son buste, la longueur et le poids de ses cheveux. La grâce allait de ses épaules nues, de ses jambes. Elle sentait même étrangement l'expression sensuelle de son propre regard, et ses sensations, qui étaient parmi les plus réjouissantes qu'elle connût, altéraient subtilement sa façon de bouger, sans qu'elle eût aucun effort à faire. Un sourire distrait, des refrains inachevés s'échappaient de ses lèvres. Elle ne contemplait pas le littoral qui déroulait en bain sous ses yeux ses couleurs éblouissantes et qu'elle foulait d'un pas irrégulier. Elle songeait que le jeu avait repris, et s'avouait avec une sorte d'insolence qu'elle aimait ce jeu envers et contre tout. Le message de ce matin lui enjoignait de se rendre dans les ruines à 15 heures, et c'était vers les ruines qu'elle se dirigeait, avec une exaltation d'autant plus aiguë qu'elle la savait légèrement perverse. Elle ne s'expliquait pas pourquoi les ordres lui avaient toujours été si excitants, pourquoi le sentiment d'être manipulé par une main invisible lui donnait depuis toujours, régulièrement, envie de rire, et cette ivresse légère. Elle pensa à sa mère, refoulant les derniers souvenirs, trop pénibles, qui constituaient une masse à part, une région excentrée et presque vierge dans la géographie de sa mémoire. Elle pensa à sa mère qui s'érigeait au-dessus de son enfance, à sa mère dont le masque tragique avait toujours tout obscurci autour d'elle. Elle détestait la gravité avec laquelle sa mère avait vécu, gravité dont Albe offrait une caricature grotesque et insupportable. Anna n'avait jamais pu partager sa joie de vivre et son goût du jeu, car elle avait toujours vécu dans un univers où le bonheur était considéré comme une insulte à tout ce qu'il y avait de plus sacré, où l'on méprisait, où l'on haïssait l'idée même du bonheur. C'était sans doute la première fois qu'elle était libre de se soumettre aux ordres et d'y prendre ce plaisir violent, et le sentiment égoïste de prendre sa revanche l'emplissait d'une joie lumineuse. C'était des ruines antiques, une très petite ville, sans doute un petit port. Anna regarda sans émotion les quelques colonnes encore dressées, derrière lesquelles on voyait la mer. Elle marcha quelques minutes dans ce qu'elle supposait être la place du temple, puis elle finit par apercevoir la nécropole vers laquelle elle se dirigea. Brug, lui, s'était rendu dans ce lieu beaucoup plus tôt. C'était un de leurs lieux préférés, avec Serena. Aujourd'hui qu'il était seul, avec son carnet de croquis, il méditait sur les inscriptions à demi effacées. Pourquoi les ruines étaient-elles si belles? Pourquoi les pierres érodées et bancales, écroulées, éparpillées, donnaient-elles à ce paysage marin une telle profondeur? C'était un lieu paisible, songeait Brug, un lieu où l'on aimerait mourir. Il tressaillit en entendant le pas décidé de Anna, et l'observa, sans quitter le sarcophage éventré sur lequel il était assis. Elle marchait avec efficacité et indifférence dans ce décor chaotique et grandiose. Brug l'observait avec un air moqueur. Quand elle le remarqua enfin, elle ralentit son pas, excessivement consciente peut-être de l'artifice qui présidait à leur rencontre et de l'existence d'une signification obscure derrière cette mise en scène. Elle calqua son expression sur celle de Brug et s'assit sur le sarcophage à ses côtés dans une position symétrique à la sienne. Il la regarda tandis qu'elle affectait de contempler la mer pendant un assez long moment. « La situation paraît vous amuser, » finit-il par dire. Elle tourna la tête vers lui en souriant. « Oui, assez, pas vous ?»« À vrai dire, j'étais d'assez mauvaise humeur avant de vous voir arriver. Pourquoi ?»« Pour le principe, sans doute. J'ai toujours eu horreur quand on dispose de mon temps. C'est drôle. J'étais justement en train de me dire que j'avais toujours adoré ça. » Il eut un rire, un peu surpris, et elle le dévisagea comme elle le faisait toujours avec les hommes qui lui plaisaient. « Vous devriez me demander si je suis bien installé, » ajouta-t-elle. « Ce sont les phrases d'usage. Vous êtes bien installé ?» Elle sourit. « Notre villa est d'un luxe tapageur, et vous devinerez que cela me plaît. » Brug eut une expression sérieuse l'espace d'un instant. Le luxe, la beauté du paysage, la douceur du climat. Vous finirez par vous en lasser. Je ne crois pas, non. Ce fut à son tour de la dévisager. Il y avait en elle quelque chose qui le surprenait fondamentalement. « Toutes ces choses vous sont données pour mieux vous endormir, » dit-il. « Je sais, je sais. pour m'empêcher de concevoir toute l'horreur indicible de ma situation. Je connais cette chanson. » Brugge hocha la tête, amusé. « Vous ne croyez pas que j'ai raison ?»« Si, sûrement. »« Alors vous vous en fichez, éperdument, pas vous ?»« Non. »« Comme je vous le disais, j'ai horreur qu'on dispose de moi. »« Si vous m'entraînez sur ce terrain, je dirais même que c'est la chose au monde qui me déplaît le plus. » Elle plongea voluptueusement le regard dans la mer. « Regardez autour de vous, » dit-elle avec une lenteur calculée et sensuelle. « Pourquoi ne pas vous décider que vous faites partie de ce monde, que vous êtes vivant, que vous allez mourir et que rien d'autre ne compte ?» Il considéra un moment le paysage et eut l'impression fugitive de comprendre ce qu'elle disait, d'en avoir une révélation physique. « Je vis sans doute dans le sens avant de vivre dans la sensation, » admit-il. Elle se tourna vers lui. Et il lui sourit calmement, comme si elle s'adressait à lui d'une hauteur inatteignable. « J'ai connu d'autres gens qui choisissaient le malheur, » dit-elle. « Et que sont-ils devenus ? Ils l'ont obtenu. »«